Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse De la plante aux médicaments, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a des cachets que l'on casse en deux, des gélules qu'on avale avec un verre d'eau ou des pilules qu'on a toujours sur soi. Et puis il y a l'envie de savoir quelles substances les composent et la surprise d'y trouver du saule, des champignons ou du pavot. Et cette question, comment on teste les médicaments avant de les prescrire ? Alors pour commencer, les personnages, des cobayes humains, des médecins, des malades, des chercheurs, des agents de l'ANSM, une psychiatre, une vétérinaire et un philosophe. Ensuite, le décor, un film, des remèdes, qui sont aussi des poisons, la variole, des effets secondaires, une usine, du paracétamol, des tubes et des aspirateurs. Aujourd'hui, 3e épisode, on va au cinéma. Bon, ça siffle encore un peu dans les bronches, et puis ça claque, votre nouvelle valve. Et je m'endors avec la télé allumée pour plus l'entendre. Et en plus, là, j'ai encore attrapé la bronchite. Je vois ça, oui. On va renforcer le traitement avec du budesonide inhalé. C'est pas de la cortisone, ça ? Si. C'est quoi le problème ? Bah, le problème, c'est que je vais encore engraisser, quoi. Ah non, c'est de la cortisone inhalée. Sous cette forme, ça fait plus grossir. C'est le progrès de la médecine. Bah moi, j'engraisse quand même. J'ai encore pris 7 kilos ce mois-ci. Comme depuis l'opération, j'ai plus d'énergie. Je peux plus me dépenser physiquement. Et contrôler son appétit, c'est pas facile, je sais bien. Avant, j'avais du médiator, mais on m'a pas refait d'ordonnance. C'est dommage, parce que ça m'aidait bien. Ah non. Ça n'a jamais aidé qui que ce soit. Et il n'est pas exclu qu'il soit précisément la cause de vos ennuis cardiaques. Bah non, c'est autre chose. J'ai toujours très bien toléré ce machin, moi. Là, j'ai jamais eu aucun souci avec. Non. Madame Sacréa, je vous assure... C'est contre-indiqué. Out le médiator, hein? Gilles Barou, remède ou poison, même les plantes peuvent s'avérer très dangereuses si elles sont utilisées à mauvais escient. Toute l'histoire de la médecine est traversée par des questions éthiques pour savoir si on peut utiliser des personnes saines comme des cobayes, tester des médecines sur des gens qui ne sont pas malades, des condamnés à mort. Tout à fait. Ça a été vrai pour la chirurgie, puisque le premier débat éthique, il a eu lieu dans l'Antiquité, c'est le médecin Cels, qui rapporte la fameuse histoire que Hérophile et Rhésistrate, qui étaient des médecins qui étaient employés sous, je ne sais plus le nom du tyran qu'ils employaient à l'époque, étaient autorisés à faire la vivisection, finalement, à travailler sur des condamnés à mort, pour pouvoir justement s'intéresser à l'anatomie, à la physiologie, etc. Et celle s'expliquait que non seulement ces expériences étaient inutiles, puisqu'elles ne renseignaient pas du tout sur l'état normal de l'organisme. Si on tranche la tête de quelqu'un, ça ne nous dit pas comment fonctionne la tête, puisque la tête n'est plus là. Et puis ensuite, que c'était parfaitement inhumain moralement. Le débat est repris, il est filé à travers les siècles. Diderot s'empare de ce débat au XVIIIe siècle dans l'article Anatomie, justement, de l'encyclopédie. On peut dire que très souvent, on fonctionnait par analogie. C'est-à-dire que si un médicament soigne telle maladie, pourquoi ne soignerait-il pas telle autre maladie ? Par exemple, le quinquina soignait ce qu'on appelait les fièvres intermittentes, c'est-à-dire vraiment les fièvres liées au paludisme, où il y avait des épisodes très très violents de fièvre qui revenaient de temps en temps. Et du coup, les médecins disaient, si ça soigne ça, ça peut soigner toutes les autres fièvres. Donc, en fait, ils s'apercevaient que non. Donc, il y avait l'analogie qui faisait qu'on utilisait des médicaments pour une chose, on disait, ça va servir pour le reste. Puis en fait, c'était pas le cas. Et puis alors, évidemment, il y avait des cobayes. Parce qu'il n'y avait pas de protocole et que donc on pouvait un peu faire ce qu'on voulait, même si la loi pouvait s'en mêler de temps en temps. Mais entre le médicament et l'aliment, il n'y a pas forcément une frontière étanche comme aujourd'hui. L'inoculation, par exemple, quand on s'est aperçu que l'inoculation pouvait avoir des vertus, c'est-à-dire par exemple que si on inocule le puits variolique à une personne saine, il s'avérait que statistiquement, dans un certain nombre de cas, la personne saine contractait une variole bénigne, et que donc, ayant contracté cette variole bénigne, elle s'était immunisée contre la variole qui était un mal terrifiant à l'époque. Cela jusqu'à ce qu'on découvre véritablement la vaccine, avec Jenner à la fin du XVIIIe siècle, au début du siècle suivant. Et donc, du coup, les débats éthiques avaient lieu dans une sphère professionnelle et dans un cadre déterminé, ce qu'on a le droit de faire ou de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Puis la morale, c'est-à-dire, y a-t-il un droit de l'homme, à l'échelle de l'univers, de la planète, de Dieu, etc., d'exercer telle pratique, de mettre mettre en place tel remède, etc. Mais une fois qu'on s'est aperçu que l'inoculation fonctionnait, on a vu au 19e siècle des médecins qui, du coup, inoculaient d'autres maux en se disant que peut-être que c'est le marché. Donc il y en a qui ont cherché à inoculer la peste en se disant que les patients allaient attraper une peste bénigne. Ce n'était pas le cas. Donc évidemment, c'est cette dimension analogique qui fait qu'on se dit si ça marche là, ça pourrait marcher ailleurs. Et il y a eu des victimes importantes de ce type d'essai. Le long parcours du combattant d'une pilule. Pour le principe général est que donc un industriel ou une firme, parce que de plus en plus c'est plutôt des firmes plutôt que des laboratoires de recherche, faut bien voir. Donc une firme pharmaceutique veut gagner de l'argent en vendant tel médicament. Et bien donc elle doit obtenir l'autorisation. Bruno Toussaint. Alors petit à petit se construit tout un ensemble de règles de constitution de ce dossier d'autorisation de mise sur le marché. C'est une coproduction entre les représentants des firmes pharmaceutiques et les représentants des agences du médicament. C'est au niveau mondial, c'est la conférence internationale sur l'harmonisation. On n'a pas entendu qu'il y ait là-dedans de patients, on n'a pas entendu qu'il y ait là-dedans de médecins, de pharmaciens, de soignants, et il n'y a pas non plus de représentants d'État. Et donc, il y a tout un cycle de réunions annuelles et de travaux entre les réunions. Et c'est cette instance qui met au point et fait évoluer les règles d'autorisation de mise sur le marché. Alors, j'ai bien dit représentants des agences du médicament, et en pratique, c'est les représentants de l'agence européenne, de l'agence américaine et de l'agence japonaise. Et de l'autre côté, des représentants des firmes pharmaceutiques au niveau mondial, qui discutent, qui se mettent d'accord. Il y a donc tout un processus de compromis entre ces deux instances, entre soi. Cette notion d'entre soi, agence et firme, c'est un des éléments majeurs, à notre avis, des faiblesses de ce système d'AMM. Il est très important qu'il y ait ce système d'autorisation préalable, enfin d'examen d'un dossier avant d'avoir l'autorisation, évidemment, il ne faut pas que ça soit automatique, vu tout ce qu'on sait des dangers des médicaments. Mais le fait que ce soit élaboré comme ça entre soi, ça a beaucoup d'effets pervers et ça explique beaucoup d'insuffisances de ce système. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Il y a donc des données, on va dire, pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'il est prévu que ce soit un comprimé à 500 mg. Oui, donc c'est 500 mg et pas 600. Bon, alors, bien sûr, il y a des normes de tolérance, mais alors ça discute sur les pourcentages, etc. Bien sûr, le médicament est entouré d'un excipient, c'est-à-dire de quelque chose, d'un emballage en quelque sorte chimique, physico-chimique, pour permettre sa manipulation, sa stabilité au cours du temps. C'est-à-dire, on voit la péremption sur les boîtes de médicaments, etc. Donc, sa stabilité, le dosage, sa pureté, c'est bien cette substance-là, ce n'est pas une autre. En cours de fabrication, il ne reste pas des traces d'autres choses qui poseraient des problèmes, etc. Et puis, ça permet son absorption par le corps humain. Donc, qualité pharmaceutique. Ensuite, des données de pharmacocinétique, comme on dit, c'est-à-dire qu'on étudie à quelle vitesse le médicament passe dans le corps, à quelle vitesse, à combien de temps il y reste, à quelle vitesse il en est éliminé, par quelle voie, les reins, le foie, etc. Et puis ensuite, il y a quelques données chez le volontaire sain, comme on dit, c'est-à-dire chez quelqu'un, qui, d'ailleurs les données de pharmacocinétique viennent de là aussi, c'est l'observation de l'effet du médicament à telle et telle dose chez quelqu'un qui apparemment est bien portant. Et si tout ça est plutôt concluant, il y a ensuite les résultats des essais cliniques. Alors il y a des étapes, en fait il faut constituer un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. Pierre Chirac. Ces dossiers, il faut savoir que en fait les règles générales, elles ont été mises en place dans les années 1960, après une catastrophe qui était la catastrophe du thalidomide. C'était un médicament que prenaient les femmes enceintes et qui a causé la malformation d'enfants, mais de milliers d'enfants en fait. Des enfants dits phocomèles, qui n'avaient pas de membres. Ça a créé un choc. Les autorités ont considéré que c'était pas possible que des industriels puissent mettre sur le marché des médicaments sans avoir fait un certain nombre de tests. Donc c'est une directive de 1965, directive européenne, qui fixe le cadre général de ce que les firmes sont obligées de fournir comme information pour obtenir éventuellement une mise sur le marché. Donc trois volets à ce dossier de demande de mise sur le marché. Un dossier sur la qualité pharmaceutique. Donc ça, ça consiste pour la firme à prouver qu'elle peut produire ce médicament dans des conditions notamment d'hygiène, tout à fait, de stérilité éventuellement, pour des injectables nécessaires et importantes, hein, la qualité pharmaceutique bien entendu, démontrer qu'elle peut reproduire ce médicament à grande échelle, que lorsque c'est un médicament qui est étiqueté paracétamol à 500 mg, eh bien le consommateur, le patient, est certain que c'est bien du paracétamol, que c'est bien 500 grammes, plus ou moins, éventuellement, hein, et qu'il n'y a pas d'autres substances qui ne devraient pas être là. Voilà. Donc ça, c'est très important, la question de la qualité pharmaceutique. Le deuxième dossier, c'est va explorer la sécurité d'emploi, donc les effets indésirables. Alors là, on commence à être sur des essais cliniques, comme pour le troisième volet, qui concerne l'efficacité. Donc ces deux dossiers nécessitent la mise en place d'essais cliniques. Alors il y a des essais précliniques, hein, sur des animaux ou sur des modèles de plus en plus informatiques, mais de toute façon quand même sur des modèles animaux. Et puis après on passe chez l'homme. Alors d'abord chez des volontaires sains en nombre réduit, justement pour limiter les risques, hein. Donc en l'occurrence ces volontaires sains sont plutôt des hommes jeunes, en bonne santé évidemment, plutôt caucasiens. Hein, blanc, pour simplifier. Et alors, une fois qu'on a un certain nombre d'informations sur ces essais dits de phase 1, on commence à passer sur des populations un peu plus larges, qui sont malades, qui sont affectées par la maladie dont le médicament cherche à modifier le cours. Donc, phase 1, phase 2, phase 3. Phase 3, en phase 2, on est dans l'exploration de l'efficacité des effets indésirables. Donc ça s'appelle des essais exploratoires. La phase 3, là, on est sur plusieurs centaines, voire des milliers de patients. Alors, pas dans les maladies rares, évidemment, hein, mais dans les maladies fréquentes, on est sur des effectifs plus nombreux. Et là, ce sont des essais dits de confirmation, où on commence vraiment, éventuellement, par exemple, aussi à comparer ce médicament à d'autres qui existent. Voilà, donc ça, c'est le schéma assez classique. Sauf que, malheureusement, au cours des dernières années, ce qu'on observe, c'est de plus en plus de médicaments qui sont autorisés après la phase 2 seulement, c'est-à-dire des essais qui autrefois étaient considérés comme exploratoires. Et donc on n'a plus ces essais de confirmation éventuellement comparatifs avec les médicaments de référence. Ce sont des prises de risque inconsidérées. Et malheureusement, c'est la tendance, que ce soit en Europe ou aux États-Unis d'Amérique. Alors sur un fond de fait que une partie de ces médicaments concerne des maladies rares ou des cancers rares, et donc ça on comprend très bien que pour des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement, pour lesquelles le pronostic est vraiment sombre, qu'il est dans l'intérêt des malades d'avoir accès assez rapidement à des médicaments qui pourraient apporter quelque chose. Voilà, mais en fait, l'évolution actuelle, la tendance est beaucoup plus large et concerne vraiment d'une façon générale tous les nouveaux médicaments, et de toute façon même pour ces malades pour lesquels le pronostic est sombre et où il n'y a pas beaucoup d'options, nous estimons que les informations disponibles au moment de la mise sur le marché provenant des essais cliniques est très souvent vraiment insuffisante, c'est-à-dire qu'on a surtout des points d'interrogation. Pour ce qui concerne l'efficacité et les effets indésirables, on n'en sait vraiment pas beaucoup. Donc Brigitte Roux, aujourd'hui justement cette expérimentation animale est indispensable dans l'autorisation de mise sur le marché du médicament. Est-ce qu'il existe des méthodes alternatives pour remplacer l'animal ? Alors bien sûr, il y a le développement de méthodes dites substitutives, hein, donc qui permettent le remplacement, mais pour répondre à une question précise. Et quand on veut mettre sur le marché un médicament, il y a en fait toute une étude à faire et une compréhension des mécanismes d'action de la molécule et également de ses effets secondaires potentiels au niveau de l'organisme. Et donc il est très difficile actuellement de pouvoir modéliser même un organisme entier et donc de comprendre, je dirais, les interactions, la globalité des interactions qui existent entre les différents organes d'un individu. Alors cette règle des 3R, c'est une règle qui a été mise en place, enfin, proposée en 1959. Elle développe en fait une pratique expérimentale qui doit être mise en place pour prendre en considération le bien-être des animaux et leur sensibilité. Alors ça s'appuie en fait sur trois R qui correspondent au remplacement des animaux, à la réduction du nombre d'animaux et au raffinement des techniques. Le raffinement, eh bien, c'est la mise en place de méthodes pour bien traiter les animaux. Donc ça concerne l'élevage, ça concerne l'entretien de ces animaux et également le développement de méthodes qui seraient non invasives, telles que les techniques d'imagerie. Il y a des normes, par exemple, pour héberger des animaux en termes de surface, de température, des contrôles quotidiens qui doivent être faits sur ces animaux. Mais est-ce que peut-être une des critiques qu'on pourrait faire sur le modèle animal, c'est que si on teste, par exemple, un médicament sur un rongeur, est-ce que son métabolisme va être l'équivalent de l'humain et est-ce qu'on peut vraiment en conclure que, d'une part, de son efficacité et d'autre part, de son innocuité en ayant utilisé le modèle animal ? Certains se plaisent à dire que les hommes ne sont pas des rats de 70 kilos, s'en est bien d'accord. C'est une première étape, c'est-à-dire que s'il a pu être mis en évidence des effets délétères sur le rongeur, bien entendu, on ne va pas passer chez l'homme. Maintenant, il est aussi nécessaire de ne pas simplement s'appuyer sur une seule espèce. C'est pour ça qu'on s'appuie sur au moins deux espèces lors des essais précliniques. Et bien entendu, en fait, ces essais permettent d'essayer d'identifier un risque potentiel avant de passer chez l'homme. Mais de toute façon, le meilleur modèle de l'homme, c'est l'homme lui-même, mais de la même manière que chaque être humain va réagir d'une manière différente lorsqu'on lui administre un médicament. Donc vous êtes votre propre modèle. Donc on est dans la nécessité de trouver, en fait, une approximation qui permet de garantir la sécurité par la suite des patients. On travaille beaucoup, souvent, ce sont des essais qui sont faits après chez l'homme, enfin chez l'homme masculin, je dirais, le sexe masculin, et que peu d'études sont faites aussi chez la femme. Or, il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas de la même manière en fonction du sexe, quoi. Il y a toute la diversité humaine qui fait que, bien sûr, en moyenne, le médicament fait à peu près tel effet qui c'était et à peu près tel danger. Mais bien sûr, avec la diversité humaine, la diversité de notre constitution, de la façon dont chacun élimine les médicaments, il y a toutes sortes, c'est un système très complexe, il y a beaucoup de variantes, des gens qui vont plus vite à ce stade-là, moins vite à ce... Enfin bref. Et puis toute l'interférence, si on peut dire, avec les autres maladies. Parce que bien sûr, il y a des personnes qui ont un seul problème de santé, mais surtout quand on cherche à traiter des maladies chroniques ou de personnes âgées, ben oui, bien sûr, il y a des interférences. L'effet du médicament chez quelqu'un qui a le diabète et chez quelqu'un qui n'a pas de diabète, ben ça va peut-être pas être pareil, plus l'interférence avec les médicaments de la maladie. Voilà. Et donc, le dossier d'autorisation de mise sur le marché n'exige pas d'évaluation de tout ça. Il exige un, théoriquement deux, mais souvent en pratique, il y a un essai de comparaison contre versus un placebo, parfois un médicament qui n'est pas forcément le médicament de référence, et parfois il y a des biais, parce que ce n'est pas la meilleure solution, ce n'est pas le meilleur dosage, enfin bref. D'une façon générale, comme cette recherche est conçue par les firmes pharmaceutiques dans un cadre qu'elles modifient, qu'elles négocient elles-mêmes, dans l'ensemble, cette recherche est orientée dans les intérêts de la firme pharmaceutique. Mais les intérêts de la firme pharmaceutique, c'est d'abord d'accéder au marché et de vendre beaucoup. C'est la règle du jeu. Bon. Et si une ne le fait pas, son concurrent va le faire. Bien. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se passe autrement. Le problème, c'est que les intérêts de la firme pharmaceutique ne sont pas exactement l'intérêt des patients, ni l'intérêt des soignants, encore que c'est principalement de rendre bien service aux patients, ni l'intérêt forcément de la santé publique. Mais tout ça n'est pas ou peu pris en compte. Et c'est donc un problème majeur, bien sûr, du système actuel de l'autorisation de mise sur le marché. Il peut y avoir des pays où une autorité constate que non, là vraiment, le dossier il est trop faible. Dans un désastre médicamenteux célèbre, l'affaire du Mediator, on peut voir que en France, l'autorité administrative, les autorités sanitaires ont accepté et ont octroyé l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament Mediator à base de benfluorex, un coupe-faim, alors que la Belgique, les autorités belges ont examiné le même dossier, l'ont trouvé beaucoup trop léger et ont dit non. Et puis la firme Servier a trouvé que le marché belge, bon, c'était pas si intéressant que ça, hein, c'est pas très grand, et du moment qu'on a la France, c'est bon. Après, ils sont allés voir l'Italie, l'Espagne, etc. Mais en général, quand un médicament a été autorisé en Europe, aux États-Unis, au Japon, c'est déterminant pour l'ensemble. À quoi ça sert le double aveugle? Ça sert à faire que ni le patient, ni le soignant soient en fait influencés sur leur interprétation de ce qu'ils observent après la prise d'un médicament. Donc pour le patient, qui a un certain problème, un symptôme, une maladie, le fait de prendre un médicament, après tout ce qui lui arrive, le patient risque de l'imputer à la prise de ce médicament, y compris une guérison spontanée, par exemple, ou le fait d'avoir modifié son alimentation, ou tout ce qui a pu arriver après la prise du médicament, on a tendance à l'imputer et à dire, bah voilà, j'ai été guéri par ce médicament, alors qu'en fait non, c'est simplement que le problème de santé il s'est résolu parce qu'il dure 4 jours par exemple. Mais en fait les soignants c'est pareil, c'est-à-dire que si le soignant, et ça a été largement démontré, hein, lui aussi il y croit en fait, c'est très important. Et tout ça c'est pas pour, je dis pas de manière péjorative, le fait de croire qu'on va guérir et le fait de croire qu'on va soigner, c'est très important. Ça fait partie de l'aide que les soignants apportent à leurs patients. Là, donc, on est devant le fameux service courrier de l'ANSM, puisque donc, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Et ils reçoivent, mais ce n'est pas une métaphore, des tonnes et des tonnes de papier pour vérifier que chaque médicament a été étudié selon un protocole très précis. Les laboratoires pharmaceutiques envoient carrément des camions, des piles de papier monstrueuses pour que ça puisse être agréé. Et c'est ici, le service courrier. On est juste devant. Il est en effet impressionnant. Mais nous, on va rentrer par la porte principale quand même. Dominique Martin, vous dirigez l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Quel est le rôle exactement de cette institution ? On qualifie souvent l'ANSM de gendarme du médicament. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Les principales missions de l'agence, c'est d'abord d'autoriser. On autorise les sites de production, on autorise les essais cliniques, et on autorise les médicaments. Donc l'autorisation est un acte réglementaire très important, assis sur des considérations scientifiques, et est une des missions majeures de l'établissement. La deuxième mission très importante de l'établissement, c'est la surveillance. Nous surveillons les produits. Alors, à la fois avant leur mise sur le marché, il y a tout un travail qui est fait. Par exemple, nous surveillons les essais cliniques. Donc à cette période-là, donc ça c'est avant la mise sur le marché, et ensuite nous surveillons les médicaments tout au long de leur vie, à travers un réseau de pharmacovigilance fondamentalement, avec des centres de pharmacovigilance en région qui font remonter les informations au niveau national. Et par ailleurs, nous avons développé depuis quelques années des études de pharmaco-épidémiologie en utilisant les bases de l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des études sur des très grands nombres, puisqu'on a l'avantage en France d'avoir ces systèmes très centralisés, sur la quasi-totalité de la population française, et ça nous permet de détecter des problèmes qui éventuellement n'auraient pas été détectés en amont, ou à l'occasion de l'émergence d'un problème, d'explorer la réalité de ce problème d'un point de vue de l'étude des grands nombres. Le lévothyrox, par exemple, c'est 3 millions de personnes qui prennent du lévothyrox. Et donc, un micro-problème, vous pouvez ne pas le détecter dans le cadre d'essais cliniques parce que vous avez 2-3 000 patients qui ont été inclus dans les essais cliniques, mais il peut apparaître, s'il est très marginal, il peut apparaître sur des plus grandes populations. Et d'où l'importance de suivre de manière permanente à travers le système de vigilance, qui est un système permanent, qui est une sorte de tour de contrôle en quelque sorte, qui regarde les choses, mais aussi des informations, de plus en plus on regarde des informations venant des associations, les informations qui passent par les réseaux sociaux, les informations qui passent par les médias par exemple, on peut parfaitement avoir des sources comme ça, et donc on doit s'adapter pour diversifier les sources d'informations, et à partir de là, prendre des mesures, décider est-ce qu'on explore, comment on traite le sujet, et ensuite être amené à prendre des décisions qui peuvent être des décisions d'encadrement, de modification, voire d'interdiction du produit. Alors souvent, on parle d'effets secondaires, c'est un mot classique. C'est dommage parce que ça laisse à penser que par rapport à l'efficacité, c'est moins important, c'est seulement secondaire. Or, ça peut être très grave. Il y a plein d'effets secondaires qui sont mortels. Et pour nous, c'est pas secondaire du tout, ça, comme effet. Donc, en français, on dit plutôt indésirable ou nocif. En anglais, c'est adverse on comprend bien que c'est contraire. Alors, les effets indésirables mortels, il y en a qui sont évidents comme le suicide, des maladies, des réactions très graves comme le syndrome d'Alaïeul, qui est mortel une fois sur deux, qui est une sorte de réaction allergique majeure, qui est rare, bien entendu, mais qui est moins rare avec certains médicaments. Et donc, alors comme c'est rare, si on ne fait les essais que chez quelques dizaines ou centaines de personnes, on ne pourra pas le déceler. Ça pose le problème de déceler les effets indésirables rares. On sait qu'ils sont rares, mais ils peuvent être plus ou moins rares. Pour le patient, savoir que c'est une fois sur 1000 ou une fois sur 100 000, bah, c'est quand même pas tout à fait pareil, et pour le médecin non plus. Au fil du temps, on voit que bah oui, tel et tel médicament était bien plus dangereux qu'on ne croyait. Évidemment, il y a des désastres sanitaires évidents, thalidomide par exemple. Alors, on renforce le cadre réglementaire jusqu'à la prochaine crise, et il n'y a pas, y compris après Mediator en France par exemple, il n'y a pas de pensée plus globale, plus forte pour enfin changer le système de l'évaluation du médicament et, comment dire, tirer les conséquences de ce constat. Ça n'avance que par crise, plus ou moins perçue. Dans le cas du Mediator, ça a été beaucoup médiatisé en France, puisque le médicament avait été soit pas autorisé, comme en Belgique ou en Grande-Bretagne, soit retiré depuis longtemps, discrètement, dans d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne. Et puis, il a sans doute été largement utilisé, par exemple, en Afrique, mais très peu de données, on ne sait pas. On ne sait pas, par exemple, l'étendue du désastre Mediator en Afrique, où il a été vendu à l'évidence. On ne sait pas, il n'y a pas de données. Bon. Donc ça, on l'a beaucoup vu en France. Ce n'était pas largement répandu au niveau européen. Les instances européennes, l'Agence européenne du médicament, en a tiré quelques conséquences, mais très peu. Ça a été perçu comme un problème principalement français. Alors que le désastre Mediator est révélateur de tous les défauts du système de l'autorisation de médicaments et de pharmacovigilance. De la corruption aussi, bon, il y a des procès en cours, c'est une autre histoire. Mais déjà même le système de la pharmacovigilance et le système de l'autorisation de mise sur le marché. Donc vous me dites que vous avez déjà pris du Mediator. Je voudrais savoir, vous êtes traité par comprimé ou par insuline? Pourquoi il vous l'a prescrit? Bien sûr que vous aviez plein de projets avec votre femme. C'est pas grave, voilà. Allez, tu sais, je te reste. C'est parti. Est-ce qu'il y a un médecin ou un pharmacien qui pourrait nous confirmer votre affirmation? D'accord, pour un problème de cholestérol. Et moi qui ai ravi toute votre douleur, en plus avec mon appel, je suis vraiment désolée. Vous avez été traité par insuline ou... Combien j'ai eu? On peut prendre un exemple pour la vigilance épidémiologique de cas où vous êtes intervenu, vous êtes rendu compte d'un problème sur un grand nombre. Oui, bah, par exemple, ça a été le cas des pilules de nouvelle génération. Donc, il y a eu toute une discussion sur les pilules il y a quelques années. Et vous savez, où on disait que les pilules de nouvelle génération étaient plus dangereuses que des pilules anciennes. Et donc, des études épidémiologiques ont été conduites de façon à vérifier cette réalité. Et c'est vrai qu'il y a une différence. Donc, ça permet de regarder les choses de manière extrêmement précise. Alors, je peux prendre un exemple d'actualité qui a fait polémique il y a encore quelques semaines. C'est la question du baclofène. Et on fait plusieurs dizaines d'enquêtes de manière annuelle. On en a fait une aussi très importante, par exemple, sur le Gardasil. Vous savez, ce vaccin qu'on propose aux jeunes filles, pour prévenir les cancers de l'utérus, ce vaccin est accusé parfois de créer des maladies auto-immunes. Et on a réalisé sur plusieurs centaines de milliers de jeunes filles une étude épidémiologique qui a montré qu'il n'y avait pas de sur-risque lié à ce vaccin. Voilà des exemples très concrets sur des médicaments que les gens connaissent bien. Voilà, donc là, on est à Agen, à l'usine d'UPSA. Là, c'est vraiment l'usine où on prépare le paracétamol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le paracétamol, c'est quand même le médicament le plus prescrit au monde. Il est d'origine chimique. En fait, c'est une synthèse chimique qui sert surtout pour les douleurs et puis le faire tomber la fièvre. Mais même 100 ans après sa découverte, finalement, on ne connaît toujours pas exactement quel est son mécanisme. On va visiter donc cette usine UPSA en compagnie de Thierry Thiel, qui va nous servir de guide. Donc l'histoire d'UPSA remonte aux années 30-35, quand le docteur Camille Bru, qui était radiologue en fait, il a constaté que notamment le transit intestinal était amélioré et accéléré par la présence, j'irais, de gaz carbonique dans l'intestin et par la présence donc de ce gaz carbonique qui améliore le transit. C'est comme ça que, un peu plus tard, il a travaillé sur le paracétamol et il s'est rendu compte qu'en mettant du paracétamol sous forme effervescente, on améliore aussi sa biodisponibilité. Qu'est-ce que c'est que la biodisponibilité ? C'est tout simplement le fait de rendre une molécule plus rapidement active au niveau de l'organisme. C'est important, notamment pour la douleur, et c'est comme ça qu'est né dans les années 70 ce site industriel sur lequel nous sommes aujourd'hui, et qui aujourd'hui sur Agen représente, je dirais, un fleuron, puisqu'en fait, depuis maintenant une quarantaine d'années, aussi bien sur Agen pour ce site, mais sur l'autre site qu'on a, où on produit plutôt des formes sèches, hein, quand je dis formes sèches, ce sont des comprimés, ce sont des gélules, mais aussi des formes liquides, ce sont des sirops, ce sont des formes pâteuses, des suppositoires, des crèmes. Donc, l'entreprise s'est développée. Citronnelle ou quelque chose comme ça. Ah, vous êtes pas loin. Orange pamplemousse. Donc ici, nous sommes dans une partie effectivement de conditionnement. Ça veut dire que nous avons vu tout à l'heure le procédé de fabrication qui permet d'obtenir une poudre granulée. Cette poudre, par gravité, va arriver sur ces machines qui sont des presses à comprimer. Donc comment ça fonctionne une presse à comprimer ? Il faut imaginer une tourelle dans laquelle nous avons des trous. La poudre va tomber à l'intérieur de ces trous, qu'on appelle des matrices. Et tout simplement, avec un poinçon supérieur et inférieur, on va pouvoir réaliser avec plusieurs tonnes de pression des comprimés. Donc c'est une machine rotative qui va produire à peu près 170 000 comprimés en une heure. Et ce sont ces comprimés effervescents qu'on va mettre directement dans les tubes. Donc on voit très bien que la compression est une opération poussiéreuse, puisqu'on a une poudre qui est extrêmement sèche, très fine, donc on a de la poussière. Donc l'important, c'est de confiner ces poussières à l'intérieur de la machine et d'avoir des systèmes d'aspiration qui permettent au fur et à mesure d'enlever toutes les poussières contaminantes autour du produit. Voilà, donc nous avons ici deux machines identiques. Chaque machine produit à peu près 350 tubes à la minute, ce qui fait à peu près un tube toutes les 5 à 6 secondes, enfin 6 tubes pardon, toutes les secondes. Tant que les autorités continueront à dire oui mais on va faire les déclarations d'intérêt et tout, mais qu'ils laissent les essais cliniques financés essentiellement par les firmes pharmaceutiques, on comprend bien qu'il y aura toujours du doute, il y aura toujours des tentations pour les firmes de biaiser la conception des essais, de retenir certaines données, de les présenter de façon avantageuse pour elles mais pas pour les autres, etc. Et donc, jusqu'à présent, la réaction des autorités face à tous ces désastres, c'est d'aménager la réglementation sans s'attaquer à des problèmes de fond comme le financement de la recherche clinique. Et donc, tant que ces problèmes de fond n'ont pas été attaqués de front, il y aura des doutes, il y aura des scandales vrais, avec des vrais désastres, ou des épisodes, des crises liées aux doutes, à l'incertitude. De nouveau, dans l'affaire du Mediator, ce médicament qui avait été retiré de la vente en novembre dernier. Un médicament réservé aux diabétiques en surcharge pondérale, puis prescrit aux patients qui veulent perdre du poids. Quand il a été retiré du marché il y a presque un an, plus de 300 000 personnes étaient sous traitement en France. Or, ce médicament est suspecté d'être à l'origine du décès. Combien, pour la première fois, un rapport officiel attaqué sur les chiffres sur le marché. Selon une étude confidentielle de la Caisse nationale d'assurance maladie dévoilée par le Figaro, le Mediator serait responsable de 500 si vous avez 1000 décès en France par suite de complications cardiaques. Le Monde rappelle de son côté... Il n'est pas du tout acquis du tout que vous ayez une valvulopathie, mais s'il y a le moindre doute, eh bien, il vous prescrira une consultation cardiologique pour tirer les choses au clair et voir s'il n'y a pas de signe d'atteinte valvulaire. Hospitalier, le docteur Frachon et des équipes du CHU de Brest pour que la nocivité du Mediator soit enfin reconnue. Le Monde rappelle que l'agence du médicament a été critiquée pour avoir tardé à retirer la molécule. On a vu la notion de déséquilibre du rapport de force entre les firmes pharmaceutiques, globalement riches et puissantes, les pouvoirs publics de plus en plus démunis parce que le rapport de force est de plus en plus en faveur des firmes, et les pouvoirs publics sensibles à l'implantation de l'usine dans le pays plutôt que chez le voisin, enfin bref. Les patients, généralement pas très organisés, n'ayant pas beaucoup de moyens, étant parfois aidés par la subvention d'une firme, mais alors du coup, ils deviennent eux-mêmes sous influence. Et puis les professionnels de santé, là aussi, globalement, pas très bien organisés, et dont beaucoup sont finalement eux-mêmes sous influence par la recherche clinique, etc. En France, on a une relation avec le médicament plus compliquée que dans d'autres pays. Prenons un exemple concret. Les médecins des Pays-Bas travaillent avec 100-150 médicaments. Ils n'utilisent pas d'emblée un médicament qui vient d'arriver sur le marché. Ils le font que très progressivement. Ils sont très soucieux de travailler dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché. Il y a une forme, entre guillemets, de discipline avec l'utilisation des médicaments qui est très forte. En France, on est dans une situation assez différente. Il y a une relative appétence pour la nouveauté. C'est nouveau, c'est bien, etc. Voire, il peut y avoir parfois une forme d'influence du prix. C'est cher, c'est mieux. C'est plus cher, c'est mieux. Puis il y a aussi une influence, pas le cacher, de l'industrie pharmaceutique à travers la visite médicale pour remplacer un ancien médicament par un nouveau qui n'apporte pas forcément de bénéfices supplémentaires, qui éventuellement est moins connu, moins sûr, etc. Donc il y a beaucoup de systèmes comme ça qui fait que probablement, encore une fois, on n'a pas fait la démonstration, donc je reste prudent, mais probablement il y a plus de mésusages en France que dans la moyenne européenne et plus de hors AMM notamment. Donc on utilise plus facilement le médicament hors AMM. Un exemple concret, c'est la discussion qui a lieu aujourd'hui autour du baclofène. Baclofène, c'est un médicament dont l'indication aujourd'hui, la seule indication pour laquelle il a l'autorisation mise sur le marché, ce sont les traitements de la spasticité, dans des indications très particulières, donc un nombre de patients très limité. Il y a eu notamment un livre fait par le professeur Amezen, etc. Il y a eu l'idée que c'était efficace dans le traitement de la maladie alcoolique. Ce qui est probablement vrai d'ailleurs dans certaines situations, etc. Mais enfin, en tout cas, et du coup, ce médicament s'est développé de manière exponentielle, totalement hors AMM. Il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication-là. Il s'est développé de manière spectaculaire et comme ça, c'est devenu une espèce de médicament miracle, etc. Enfin, la notion de médicament miracle, pour moi, est une aberration. Il y a les pour et il y a les contre, ce qui est une aberration sur le médicament. En fait, pour, on a l'impression que l'autorisation de mise sur le marché devrait être donnée à l'applaudimètre. Enfin, bon, on est dans un environnement qui est quand même très irrationnel. Très irrationnel. Allô ? Salut, maman. Non, on est avec des amis. Mais vas-y, je t'écoute. Fais ce que le médecin te dit de faire. Oui. De quoi ? L'entril ? Tu prends de l'entril ? Attends. Une seconde, maman. L'entril, votre mère de là, c'est de l'entril ? Ma mère en prend. Il y a des milliers de personnes qui en prennent. Maman, écoute, tu arrêtes de prendre ce médicament immédiatement. Pourquoi ? Écoute-moi. Tu fais ce que je te dis de faire, je t'expliquerai plus tard. Maman, dis au docteur Palmstein que je t'ai interdit de continuer à en prendre. Bien. Pourquoi rouge ? Pourquoi ? Pour qui te voit ? Maman, je t'assure, c'est ridicule. Ok, maman, je te rappelle plus tard, je te l'ai dit, j'ai du monde. Ok, je t'aime. À plus. Des béquilles rouges. Elle a la trouille de se faire renverser par un camion des fois qu'elle sort se promener au milieu de la nuit. Il lui donne de l'entril pour faire baisser sa tension. Si elle en utilise et qu'elle a l'air normale, je l'invite à témoigner. Dis, j'avais pas une écharpe ? Je n'aime pas du tout l'attitude que vous avez. Si ma mère devait présenter le moindre symptôme, croyez-moi, mon nom apparaîtrait en tête du recours collectif. Il y aura un recours de toute façon. Oui, j'espère bien. Alors d'abord, ne pas nuire. Effectivement, on vient de parler de tous les effets attendus des médicaments qui sont censés soigner. Et en réalité, les effets soit indésirables, soit carrément toxiques, soit mortels sont quand même assez fréquents. C'est ce que vous pointez régulièrement d'en prescrire. Les chiffres arrondis pour ces accidents médicamenteux, alors le nom savant, c'est accident iatrogène. Donc ça représente 20 000 morts par an en France, et 150 000 hospitalisations. Ça veut dire qu'on va vraiment donner un médicament en pensant soigner la personne alors qu'on l'empoisonne. Ça, c'est un immense défi, et pas seulement en France, un défi mondial, en tout cas, notamment dans les pays les plus développés médicalement. Et d'ailleurs, depuis quelques années, ça entraîne des mouvements tout à fait intéressants qui disent moins, c'est mieux. C'est-à-dire moins de médicaments, c'est mieux. Et donc, on est dans cette phase-là où commencent à se développer des notions de surmédicalisation, de surprescription, de surdiagnostic. Là, on a vraiment des marges de progression tout à fait importantes et qui, malheureusement, ne sont pas encore complètement dans la tête de tout le monde, puisqu'on est sur ce modèle très scientiste, technique, de dire le progrès médical, c'est intervenir plus, en fait. Sur ces 20 000 morts, ce sont des chiffres officiels, hein, il est estimé que la moitié sont évitables. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors pourquoi il y en a qui ne seraient pas évitables? C'est-à-dire, si on prend les anticoagulants, par exemple, c'est des médicaments à utilisation délicate, pour des différences de doses qui sont pas faciles à maîtriser, même s'il faut les contrôler, etc. On a un certain nombre d'accidents. Voilà. Mais ces traitements, même si effectivement on peut dire qu'un anticoagulant a pu entraîner la mort du patient, ce patient serait déjà mort depuis longtemps s'il n'avait pas les anticoagulants. Donc c'est toujours là aussi une histoire de compromis, hein, c'est-à-dire un médicament qui tue un patient sur un million et qui sert à rien, ce médicament, il faut le retirer du marché, c'est lamentable. Voilà. Et parfois vous avez un médicament qui tue un patient sur 100, et c'est acceptable si il se trouve avoir une efficacité tout à fait déterminante chez 99 autres dans une pathologie qui est mortelle. Donc il faut toujours prendre en compte la situation dans laquelle on est, son pronostic, et puis le côté efficacité. Mais il faut faire le maximum d'efforts pour s'assurer que ces médicaments-là sont vraiment utilisés chez les patients chez lesquels il va rendre le service potentiel maximal. Et ça, c'est donc une notion très importante de veiller. C'est les firmes, elles n'ont pas intérêt à tuer les patients, ça non, mais elles ont intérêt quand même à élargir le plus possible les indications de leurs médicaments et la population qui va prendre ce médicament. Ça, c'est juste leur marché économique, hein, c'est la vente. Voilà. Donc il faut qu'en face, on ait notamment des autorités sanitaires, des patients, des soignants qui soient vigilants et qui cherchent au contraire à vraiment utiliser ce médicament là où il est le plus pertinent et à ne pas s'aventurer dans des utilisations où la balance bénéfice-risque, parce que c'est la notion clé, est moins favorable, voire peut devenir négative. La médecine en général, la médecine française sans doute aussi pas mal, est souvent ce que j'appelle moi une médecine un peu intuitive, c'est-à-dire que et c'est là où ça a des avantages, parce que l'intuition des médecins est très importante, les connaissances sont importantes, mais l'intuition est importante. Tous étaient patients, on sait tous que quand on fait confiance à un médecin, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus que la seule... on n'a pas en face de nous un Macintosh, etc. On a en face de nous quelqu'un justement qui a cette dimension humaine, personnelle, qui est importante et qui va beaucoup participer à la guérison notamment. Puis beaucoup de mes collègues psychiatres, hein, des amis à qui j'ai fait mes études, etc., puisque je suis moi-même psychiatre, il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi j'utilise mes médicaments, j'utilise dans telles conditions, etc. Enfin, » Et je lui dis « Mais t'as regardé l'autorisation de mise sur le marché ?» Je dis « Bah on va la regarder !» Donc on la regarde, ah oui, non, c'est pas du tout dans l'autorisation de mise sur le marché, mais j'en ai rien à faire. On a fait des études sur l'image de l'agence, et en particulier auprès des professionnels de santé, et une étude qu'on a faite, je crois, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, a montré que plus de 50% des médecins généralistes ne connaissaient pas l'Agence nationale de sécurité du médicament. Prenez le Perfector, c'est le médicament le plus décrié actuellement, à tort, car c'est un excellent coup de faim destiné à faire perdre du poids aux personnes en surcharge pondérale. Certes, il a l'inconvénient de provoquer de l'hypertension artérielle. Mais de nos jours, l'hypertension artérielle se soigne très bien. L'isidrophène, par exemple, est reconnu pour ça, en dépit du trouble du sommeil qu'il suscite. Mais pourquoi s'angoisser quand on a du Dufalon? C'est un somnifère très puissant. Peut-être trop, d'ailleurs, puisqu'il vous faudra compter sur plusieurs réveils sonnant simultanément pour vous lever et prendre du Veralgan. Il n'y a pas mieux pour venir à bout de la somnolence. Mais comme il provoque des diarrhées, associez-le toujours avec du Parafone. Le Parafone remoulera rapidement vos selles, même s'il vous donnera des maux de tête. mais avec une simple gélule de Péranclus, on n'en parlera plus. En revanche, on parlera de votre anxiété et de votre rougeur. Pas longtemps. En prenant simultanément de l'asparga pour retrouver l'euphorie et du tumifon pour retrouver la peau blanche, le problème sera réglé dans l'heure. Bien sûr, la combinaison des deux médicaments a tendance à créer du surpoids. Mais qu'est-ce que ça peut faire, puisque vous avez le Perfector qui est un excellent coupe-faim. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment faire fortune rapidement. Ah, on me dit que le sujet vient de passer à l'instant. Autant pour moi. Bonsoir. Un autre exemple, c'est le kétoprofène. Topique, c'était un anti-inflammatoire qui entraînait des ruptures de tendons en application locale, alors que d'autres anti-inflammatoires n'avaient pas cet effet indésirable. Et donc, le plaint en Conseil d'État. Et le Conseil d'État, dans ce genre de discussion, dit que oui, bon, il y a quelques patients concernés, mais en fait, le chiffre d'affaires pour la firme, ça représente une grande partie de son chiffre d'affaires, et donc ça, on va tuer la firme. Donc voilà, donc c'est clairement mis en balance comme ça. En France, on a un monopole, c'est-à-dire qu'on a un seul produit, qui est le Levothyrox, et on n'en a pas d'autre, quasi pas, sauf sous la forme de gouttes pour les enfants, qui ne doit absolument pas être utilisé en substitut, parce que sinon, les enfants n'auront plus de gouttes et ils ne peuvent prendre que des gouttes. Donc ça serait un drame. Donc. Mais on a un monopole, alors qu'ailleurs en Europe, on n'a pas de générique en France. On a tué le générique, parce que les gens disent « moi je veux pas de générique », parce que on parle de marge thérapeutique étroite, et un générique c'est pas équivalent au Princeps, donc je veux pas de générique. Et donc du coup, il n'y a plus de générique en France, mais zéro, il n'y en a pas. Alors qu'ailleurs en Europe, pas de monopole. Vous avez partout 2, 3, 4, 5 spécialités, et d'ailleurs essentiellement des génériques. En Allemagne, en Espagne, en Belgique, partout, dans tous les autres pays d'Europe, vous avez une situation totalement différente. Chez nous, on a créé collectivement une situation de monopole. Et donc, évidemment, la modification dans une situation de monopole, l'expérience montre que c'est pas facile. C'est compliqué. Et ça, on évoquait la question des différences entre les uns et les autres. Et ben, pourquoi en France, on pourrait pas utiliser les génériques? Mais c'est un fait, puisqu'il y a eu des génériques. Simplement, ils ont quitté le marché. Enfin, il y a pas de marché pour les génériques. Les gens n'en veulent pas. Donc, pourquoi en France, on pourrait pas utiliser des génériques? Et pourquoi on les utilise en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. et que, manifestement, ça pose pas de difficultés? Donc c'est assez intéressant. Ça c'est un sujet collectif qui engage d'ailleurs qui nous engage tous collectivement, les usagers, les praticiens, les autorités. Enfin, on doit avoir une réflexion globale sur ce sujet-là. Et la NSM ne peut pas intervenir à ce niveau-là en fait, c'est pas possible. Nous on ne peut autoriser que s'il y a une demande. Ça je l'ai pas évoqué au cours de la discussion, mais s'il y a pas de demande, on n'autorise pas. On n'autorise pas de fait. Un produit, on peut pas imposer un produit sur le marché. Il faut qu'il y ait une demande. Donc, il n'y a pas de marché pour les génériques, il n'y a pas de demande. Les génériqueurs ne veulent pas venir sur le marché français, il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il faut le dire, mais la NSM ne produit pas de médicaments, d'accord? La NSM ne va pas chercher un médicament à l'autre bout du monde pour l'imposer. On peut le faire s'il y a une rupture de stock en faisant des importations, etc., pour un temps limité. Mais on ne dit pas, on veut qu'il y ait ce médicament sur le marché. On n'a pas cette compétence-là. L'ordre, c'est il y a une demande, donc il faut qu'il y ait un marché potentiel, et nous avec l'Europe, ça, on regarde si c'est acceptable, pas acceptable, possible, pas possible, etc., à quel coût, enfin, tout ça se regarde, mais faut-il encore qu'il y ait une demande. À côté du principe de l'autorisation de mise sur le marché, il y a la notion de brevet. Alors, en gros, schématiquement, le principe est que une firme pharmaceutique dépose un brevet, en général une série de brevets, sur une substance chimique et la façon de la fabriquer, etc. Et donc, bien sûr, il faut payer. Et en échange, il y a là une notion de protection, d'exclusivité, de monopole. Ensuite, pendant 20 ans, la firme pharmaceutique est la seule autorisée à exploiter cette substance et ses brevets. Pas de concurrence. On nous dit que le monde du médicament, il y a de la concurrence. C'est vrai qu'il y a plein de firmes pharmaceutiques qui sont en concurrence les unes avec les autres, mais elles se ménagent, parce que bien sûr, elles exercent du lobbying sur la réglementation, comme on le voit pour la co-construction du processus d'AMM, là. Bien sûr, en fait, elles aménagent cette concurrence. Et en particulier, elles soutiennent beaucoup, beaucoup cette notion de brevet qui leur confère un monopole bien délimité dans le temps. Alors après, bien délimité, bien sûr, il y a des discussions selon comment ça a été, il y a des prolongations, mais en gros, c'est une vingtaine d'années, avec des variantes. Ça leur donne la liberté d'exploiter, d'évaluer le médicament que dans les situations qui les intéressent du point de vue économique. Et donc on peut imaginer que telle firme a le brevet de telle substance, elle l'exploite pour l'arthrose, où ça fait pas grand-chose, mais c'est une maladie chronique et ça va bien marcher. Et puis en fait, ça serait peut-être efficace dans telle maladie rare ou fréquente, mais chez des gens pauvres qui n'ont pas les moyens, etc. Bah oui, mais ça intéresse pas, donc elle va pas évaluer. Alors ça, c'est un des effets nocifs, bien sûr, des brevets. Et puis, d'autre part, comme elle a le monopole de l'exploitation, c'est elle qui est en position de force pour discuter le prix de vente du médicament. On comprend bien, Pierre Chirac, que donc ces laboratoires pharmaceutiques qui sont vraiment des multinationales, donc d'un poids financier monstrueux et dans un bras de fer avec les États, ce sont eux qui gagnent. Leur objectif n'est pas forcément de soigner, mais plutôt de vendre. Et en fait, les firmes, elles utilisent leurs moyens de pression tant qu'elles peuvent, c'est-à-dire assez logiquement, comme à tout acteur économique, elles ont... toute une stratégie d'influence par rapport aux soignants qui consiste à être présent déjà dès la fac, à rendre des services, à faire des cadeaux, à payer les petits repas avant des formations entre guillemets, à payer les déplacements des chercheurs dans les congrès internationaux. Donc en fait, elles occupent la place laissée libre par un financement public inexistant. Après, bon, bah, c'est elles qui financent les essais cliniques. Donc il y a des médecins qui ont participé à des essais cliniques et qui après vont être ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Ils vont être utilisés dans les formations des médecins. Donc ils sont jugés partis. De toute façon, ils sont très influencés par leur propre expérience. Les firmes sont présentes au niveau de la formation continue, sans parler de la publicité elle-même, qui est la visite dite médicale. Et puis sinon, les firmes, elles sont très présentes au niveau européen, où s'élaborent les règles, évidemment. Elles sont à l'Élysée pour faire valoir le poids économique de leur industrie, avec plus de 100 000 salariés, avec une balance commercial positive, enfin vous voyez, elles sont des arguments tout à fait importants. C'est une industrie qui est répartie un peu sur tout le territoire français, donc il y a des sénateurs et des députés dans leur région qui défendent mordicus et de tous bords leur industrie locale. D'une façon générale, dans notre expérience, on voit que les responsables politiques, ça les dérange pas tellement que l'industrie pharmaceutique produise des médicaments qui servent à rien. Ça, c'est pas très grave. Ce qui les gêne vraiment, c'est les morts, quoi. Mais tant qu'il n'y a pas de morts, ça n'évolue pas beaucoup. Voilà, donc ça, d'une certaine façon, c'est prévisible, si vous voulez. Et il faut absolument que ce soit transparent. Il faut savoir quels sont les lobbyistes. Donc ça, ça a été fait, par exemple, par une ONG européenne qui a regardé, quand il y a eu les nouveaux commissaires européens, on a vu les firmes se précipiter pour rencontrer les nouveaux commissaires s'occupant de médicaments. Donc ça se passe en quelques jours, si vous voulez. Ils vont les rencontrer et ils font passer le message. Et les firmes sont en permanence dans les couloirs de la Commission européenne et du Parlement européen pour faire avancer leurs idées, leurs dossiers. Et face à ça, eh bien, il faut s'organiser. C'était le long parcours du combattant d'une pilule, avec Dominique Martin, directeur général de l'ANSM, Brigitte Rau, vétérinaire INSERM, Bruno Toussaint et Pierre Chirac de la revue Prescrire, Thierry Thiel pour l'usine UPSA et Gilles Barou, philosophe. Un clin d'œil à Groland qu'on retrouve toutes les semaines sur Canal+, et extrait du film Carnage de Roman Polanski et La fille de Brest d'Emmanuel Berco. Prise de son, Hélène Langlois, Philippe Etienne, Yann Frécy et Georges Thau. Mixage, Alain Joubert. Réalisation, Anna Schmuck. Un documentaire de Lydia Benitzrak. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à l'hôpital, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, soigner ou vendre. Mais en attendant, restez à l'écoute.